Deutéronome chapitre 15 de 7 en 7 ans, tu célébreras l'année de relâche. Et c'est ici la manière de célébrer l'année de relâche. Que tout homme ayant droit d'exiger quelque chose que ce soit, qu'il puisse exiger de son prochain, donnera relâche, et ne l'exigera point de son prochain ni de son frère, quand on aura proclamé le relâche, en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras exiger de l'étranger, mais quand tu auras affaire avec ton frère, tu lui donneras du relâche, afin qu'il n'y ait au milieu de toi aucun pauvre, car l'Éternel te bénira certainement au pays, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder pourvu seulement, que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, et que tu prennes garde à faire ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Parce que l'Éternel ton Dieu, t'aura béni comme il t'en a parlé, tu prêteras sur gage à plusieurs nations, et tu n'emprunteras point sur gage. Tu domineras sur plusieurs nations, et elles ne domineront point sur toi. Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de toi, en quelque lieu de ta demeure, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne resserras point ta main à ton frère, qui sera pauvre. Mais tu ne manqueras pas de lui ouvrir ta main, et de lui prêter sur gage, autant qu'il en aura besoin pour son indigence, dans laquelle il se trouvera. Prends garde à toi, que tu n'aies dans ton cœur quelque méchante intention, et que tu ne dises, la septième année, qui est l'année de relâche, approche, et que ton œil étant malin contre ton frère pauvre, afin de ne lui rien donner, il ne crée à l'Éternel contre toi, et qu'il n'y ait du péché en toi. Tu ne manqueras point de lui donner, et ton cœur ne lui donnera point un regret, car à cause de cela l'Éternel, ton Dieu te bénira dans toute ton œuvre, et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car il ne manquera pas de pauvres au pays, c'est pourquoi je te commande, en disant, ne manque point d'ouvrir ta main à ton frère, savoir, à l'affligé, et aux pauvres de ton peuple en ton pays. Quand quelqu'un d'entre tes frères, soit hébreu ou hébreu, te sera vendu, il te servira 6 ans, mais en la septième année tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point vide. Tu ne manqueras pas de le charger de quelque chose de ton troupeau, de ton aire, et de ta cuve, tu lui donneras de sans quoi l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et qu'il te souvienne que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a racheté, et c'est pour cela que je te commande ceci aujourd'hui. Mais s'il arrive qu'il te dise, que je ne sorte point de chez toi, parce qu'il t'aime, toi, et ta maison, et qu'il se trouve bien avec toi, alors tu prendras une haleine, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur à toujours, tu en feras de même à ta servante. Qu'il ne te soit point fâcheux de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, qui est le double du salaire du mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. Tu sanctifieras à l'Éternel, ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra de ton gros ou menu bétail. Tu ne laboureras point avec le premier-né de ta vache, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras, toi et ta famille, chaque année en la présence de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi. Mais s'il a quelque défaut, tellement qu'il soit boiteux ou aveugle, ou qu'il ait quelque autre mauvais défaut, tu ne le sacrifieras point à l'Éternel ton Dieu, mais tu le mangeras au lieu de ta demeure. Celui qui est souillé, et celui qui est net en mangeront, comme on mange du daim, et du cerf. Seulement tu n'en mangeras point le sang, mais tu le répandras sur la terre, comme de